المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد سنقرأ في كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الداء والدواء فصل أضرار الذنوب والمعاصي فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إذا استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إذا استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر ودواء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ابن القيم رحمه الله تعالى دي donc dans ce chapitre les méfaits du péché et désobéissance, revenons à ce dont nous prêchons comme remède au mal qui, s'il persiste, ruine et anéantit la vie du serviteur en ce bas monde et dans l'au-delà. Il faut savoir que les péchés et désobéissances entraînent nécessairement, c'est-à-dire de manière inéluctable, des méfaits. Et ces méfaits sur le cœur sont semblables aux méfaits du poison sur le corps, en fonction de leur degré de nuisance. Et existe-t-il en ce bas monde et dans l'au-delà un mal ou une maladie sans que leur cause ne soit les péchés et désobéissance? Dans ce chapitre, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que tout mal qui a lieu dans ce bas monde et tout bien qu'on retire au serviteur a pour cause un péché qui est sur lui. Donc, dans ce bas monde, ce qui cause l'anéantissement de la personne, et dans l'au-delà, ce qui cause l'anéantissement de la personne, c'est les péchés. C'est les péchés. Et ils ont un effet dans la vie du croyant, dans la vie de la personne, de manière plus générale, tout comme le poison a un effet sur le corps de la personne lorsqu'il est consommé. Et selon la gravité et la récurrence des péchés, ça aura un effet sur la vie du serviteur dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Puis, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et est-ce qu'il y a dans ce bas-monde et dans l'au-delà un mal qui survient sans que la cause soit les péchés? Et il cite par la suite une suite de cas qui nous parlent en disant, فَمَنْ لَذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ. Qu'est-ce qui a fait sortir les parents, c'est-à-dire Adam et Hawa du paradis? دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورته وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنعها. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, qu'est-ce qui a fait sortir les parents, c'est-à-dire Adam et Hawa du paradis, la demeure des délices, de la joie et du bonheur, pour la demeure des douleurs, tristesse et malheur. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit Adam alayhi salam au paradis, et il a créé de lui Hawa, lorsqu'il leur a interdit de consommer d'un arbre, et que suite à la waswasa du shaytan, ils en ont consommé. Par la suite, Allah Azza wa Jalla les a guidés aux repentis, et il a agréé leur repentir, mais il les a fait sortir du paradis vers la terre. Donc le fruit de cela est une désobéissance. On voit ici les effets de la désobéissance. Deuxièmement, qu'est-ce qui a fait sortir Iblis du royaume des cieux? Allah Azza wa Jalla a créé le malaïque. Naam. Et il lui obéit sans jamais commettre de péché. Et il a mis Iblis, Sheba, qui ne fait pas partie des malaïques, il a mis Iblis avec eux. Et il a donné Allah Azza wa Jalla. Et avait une place auprès d'Allah Azza wa Jalla. Mais lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a ordonné de se prosterner devant Adam, ils se sont tous prosternés. Illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Excepté Iblis qui s'est enorgueilli à refuser. Suite à un péché, après avoir eu cet honneur qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé de vivre avec les anges et de l'adorer, regardez la suite. Qu'est-ce qui a fait sortir Iblis du royaume des cieux? A provoqué son bannissement et sa malédiction. Allah Azza wa Jalla l'a maudit. Il l'a viré. Il l'a inscrit en enfer très au matériel. Suite à une désobéissance, suite à un péché, ça a provoqué son bannissement, sa malédiction. Ça a déformé son apparence en son corps intérieur pour la plus immonde et la plus hideuse des apparences et des corps intérieurs. Iblis est devenu le pire. La tête du mal et l'image. Des gens du mal, a remplacé la proximité par l'éloignement, la miséricorde par la malédiction, la beauté par la laideur, le paradis par un coup flamboyant, la foi par la méfiance, le soutien et l'allié est digne de louange par la plus grande des inimitiés et dissensions. La poésie de la célébration de la gloire et de la sainteté et de l'unicité par le vacarme de la méfiance, du polydisme, du mensonge, du feu et de la turpitude. Et la vie de la foi par celui de la méfiance, de la perversion, de la désobéissance. Il a été méprisé au plus haut point par Allah et est tombé au plus bas à ses yeux. La colère du Seigneur s'est abattue sur lui. Il l'a égaré. Il l'a avili. Il est donc devenu le meneur de tout dépravé criminel. Je ne sais pas, c'est la tête du mal. Et toute personne qui le suit a pour guide. Toute personne du mal a pour guide un shéba. Il a accepté d'être ce meneur après avoir atteint un rang élevé dans l'adoration et la souveraineté. Je cherche protection auprès de toi, Allah, contre le fait de m'opposer à ton ordre et de tomber dans tes intentions. وطرد ولعن ومسخ ظاهرا وباطنا وجعل سورته اقبح سوره واشنعها وباطنه اقبح من سوره واشنعها وبدل بالقرب بعدا وبالرحمه لعنه وبالجمال قبحا وبالجنه نارا تلظى وبالايمان كفرا وبموالاه ولي الحميد اعظم عداوه ومشقه وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوى وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى وأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه وصار قوادا لكل فاسق مجرم ورضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعيانا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك ومن الذي أغرق أهل الأرض كله ومن الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال ومن الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليهم ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, ta'ala, nous dit qu'est-ce qui a noyé tous les habitants de la terre au point que l'eau dépasse le sommet des montagnes. Dans le peuple de Nuh, alayhi salam, lorsqu'ils ont adoré Allah, tabaraka wa ta'ala, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. Ces cinq personnes, ce sont le nom de personnes pieuses du peuple auquel a été envoyé. Lorsqu'ils sont décédés, Al-Shaytan est venu aux habitants et leur a dit: représentez-les dans vos assises, afin de vous rappeler leur ferveur, leur dévotion dans le culte d'Allah Azza wa Jalla. Ils l'ont fait, mais ils ne les ont pas adorés dans un premier temps. Puis, lorsque ceux qui ont eu la science sont décédés, Al-Shaytan leur est revenu et leur a dit: voyez-vous ces gens, ils les adoraient. Et les gens de votre peuple et les pieux de votre peuple les adorent en dehors d'Allah et leur demandaient la paix. Alors ils les ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Ce fut la première fois où le shirk a eu lieu sur la terre d'Allah. Puis Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh alayhi salam. Donc 10 siècles après Adam alayhi salam, Allah a envoyé Nuh alayhi salam, il est venu les appeler au tawhid, à l'islam. Et adorer Allah seulement qu'il te sincère et a délaissé le polythéisme. Il les a appelés, leur a montré qui Allah Azza wa Jalla, le seul digne d'être adoré. Puis il leur a cité ses signes et ses preuves évidentes. Mais ils ont persisté dans ce chemin. Par la suite, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Nuh alayhi salam de construire l'arche et de prendre de chaque espèce un mâle et une femelle. Et ceux qui l'ont su. Mais très peu ont cru en Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Puis Allah Azza wa Jalla a ordonné la pluie de s'abattre sur ce peuple. Naam, et la terre entière a été submergée par les flots. Et le fils de Nuh alayhi salam lui-même est décédé dans ce. Et décédé dans cela lorsqu'il a pensé pouvoir trouver refuge au sommet d'une montagne. Qu'est-ce qui leur a valu ce châtiment? Naam, les péchés. Les péchés. Ensuite, le peuple d'après, le peuple de Ad, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un prophète, les appelé au tawhid, mais ils ont désobéi. Suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné une tempête. Il a ordonné une tempête qui s'est abattue sur ce peuple, au point d'être jeté sans vie au sein. La tempête les a tellement effrayés qu'ils en sont décédés, comme s'ils étaient des troncs de palmier, et qui a détruit tout ce qu'elles rencontraient parmi leurs demeures, leurs champs, leur culture et leurs bêtes, au point qu'ils deviennent un exemple pour les communautés jusqu'au jour de la résurrection. Ce peuple également a été châtié par Allah Azza wa Jalla. Quelle en est la cause? Al-Dhunubu wa al-Ma'as, les péchés. Et ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Hatta saru 'ibratan lil umam. Ils sont devenus maza, une leçon, ou bien un exemple pour les communautés futures. Al-Shaykh Abd Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala nous dit: As-sa'id man itta'aza bi ghayrihi. Celui le bienheureux, c'est celui qui tire des leçons de ceux qui ont eu des problèmes avant. Et le malheureux est celui duquel on tire des leçons dues à ses fautes et ses égards. Donc nous, on doit méditer sur les châtiments qui ont été reçus par les générations passées, par les peuples qui ont reçu des messages. Quel est leur point commun? La désobéissance, le péché, le fait d'oublier la rencontre avec Allah, le fait de ne pas considérer Allah comme il le mérite, le fait de ne pas apprendre qui Allah Azza wa Jalla afin de remplir son cœur de foi et de crainte d'Allah. Lorsqu'ils n'ont pas suivi ce chemin, le chemin des prophètes et messagers, voici leur finalité. Et dans de nombreux versets du Coran, Allah Azza wa Jalla nous a cité leurs histoires dans Sourate Al-A'raf, dans Sourate Hud, Sourate Al-Anbiya, Safar et beaucoup d'autres. Tout cela pour qu'on tire des leçons et qu'on ne fasse pas ce qu'ont fait ces peuples-là, afin de ne pas recevoir la punition qu'a reçu ces peuples-là. On peut regarder aussi dans Sourate Al-Ankabut, Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit le châtiment qui a été reçu par ces peuples. Puis, Le troisième peuple, le peuple de Samou. Le troisième peuple, le peuple de Samou. Ces deux peuples-là ont reçu la venue de Hud et la venue de Sam. Mais ils n'ont pas tiré profit de leur prêche. Qu'est-ce qui a envoyé le peuple de Samou? Qu'est-ce qui a envoyé contre le peuple de Samoud, le cri qui leur déchira le cœur et la poitrine, si bien qu'il mourut jusqu'au dernier. Allah Azza wa Jal leur a donné de ses bienfaits. Et ils lui ont dit, si tu es véridique et tu es le prophète d'Allah, apporte-nous un signe. Puis ils ont désigné eux-mêmes ceci, une jamelle, na'am, qui porte son petit et qui est proche du terme avec telle et telle description. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le signe qu'ils ont besoin. Il leur a dit, vous allez avoir un jour où vous allez pouvoir boire, et la chamelle aura un jour où elle va boire. Et ne la touchez pas d'abord. Le pire d'entre eux, alors qu'ils avaient les bienfaits d'Allah, alors que ce qu'ils avaient leur suffisait, à attraper la chamelle et à sacrifier la chamelle. Ils ont désobéi Allah Azza wa Jalla, alors que leur épreuve était simple. Mais ils se sont rebellés, ils ont sacrifié la chamelle de Saad. Na'am, na'afatullah. Et les autres se sont tués. C'est une seule personne qui a sacrifié la chamelle. Pourtant, Allah Azza wa Jalla dit fa'aqaruha. Ils l'ont sacrifié. Pourquoi au pluriel? Parce que lorsqu'une personne fait un mal, si les autres se taisent, ils sont en réalité complices. Ils ont agréé le mal. Ils ont agréé le mal. Et dans plusieurs versets du Coran, une personne fait un mal, on les blâme au pluriel. Car celui qui se tait sur un mal qui se produit, alors qu'il convenait d'intervenir et de parler, non, on ne parle pas de cas exceptionnels ou particuliers, lorsque d'intervenir, ça apporte un mal plus grand. Il y a des cas particuliers, non, où la correction sera faite plus tard, où elle sera partielle, et ainsi de suite. Mais ces derniers se sont tués sur un mal évident. Alors Allah Azza wa Jal les a joints à la punition de celui, un des pires d'entre eux, celui qui a sacrifié la chamelle. Ils ont donc eu ce châtiment, un cri strident qui a déchiré leur cœur, et qui a fait sortir leurs âmes. Qu'est-ce qui a élevé la cité de Lout, alayhi salam, au point que les anges entendent les aboiements de leurs chiens? Puis il la retourna sur eux. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a élevé la terre, na'am, et ensuite l'a retournée. Na'am, et ensuite l'a retournée. Et ils sont tombés de la terre, na'am, puis des pierres les touchaient. Ou les touchèrent. Puis il l'a retourné sur eux, la mettant sans dessous-dessous, les faisant ainsi tous périr. Des pierres tombées du ciel se sont abattues sur eux. Et ils ont subi un ensemble de châtiments qu'aucun peuple n'a su. Allah Azza wa Jalla n'avait jamais puni ces choses-là à un seul. Seul le peuple de l'autre, alayhi salam, l'a subi. Il en est de même pour leurs semblables, et le châtiment n'est pas loin des injustes. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal châtie un peuple, le châtiment n'est pas forcément propre à ce peuple, mais toute personne qui viendra après et qui désobéira à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal dit que ce châtiment n'est pas loin. En d'autres termes, si vous suivez les pas de ceux qui ont subi et reçu le châtiment d'Allah Azza wa Jal, sachez que le châtiment d'Allah Azza wa Jal ne sera pas loin de vous. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce qui a envoyé un nuage au peuple de Shu'ayb? Et lorsqu'il parla au-dessus d'eux, il fit pleuvoir sur eux un feu flamboyant. Il y a eu la sécheresse. Ils ont donc cherché à s'abreuver. Puis il y a eu un nuage. Et ils ont pensé que la pluie allait venir, mais en réalité c'est un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal qui est tombé. C'est un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal qui est tombé. Qu'est-ce qui a noyé Fir'aoun et son peuple dans la mer, puis leurs âmes ont été portées vers leur terre. Ainsi les corps ont été noyés et les âmes consumées. Allah Azza wa Jal a envoyé des signes à Pharaon par l'envoi de Moussa alayhi salam de Harun, mais ils n'ont pas accepté. Et il a dit: Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le plus haut, et je ne connais pas de divinité en dehors de moi pour vous. Allah Azza wa Jal a des âmes châtiées dans ce baron avec la noyade, et dans l'enfant avec le châtiment de la terre. Et Yom al-Qiyam, Naam, a décrit la Qiyam à Chèque de l'Ada. Quant au jour dernier, Allah nous dit: Ma'ala fait entrer le peuple de Pharaon, les suiveurs de Pharaon au plus lourd châtiment. Naam, les suiveurs de Pharaon auront le plus lourd châtiment. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب عذاب كالظل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وما له وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا على آخره وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فداسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليه مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تدبيرا وما الذي سلط عليه من وعلى العقوبات ومرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: qu'est-ce qui a englouti Qaroun, sa demeure, ses biens et sa famille? Et c'est son orgueil et ses péchés, et sa désobéissance et le fait de ne pas écouter le conseil des savants. Et qu'est-ce qui a amené à la perte le peuple de Yassin par le cri qui les détruisit jusqu'au dernier? Qu'est-ce qui a envoyé aux enfants d'Israël, c'est-à-dire la descendance de Yaqub alayhi salam, un peuple puissant qui entrèrent dans les demeures, tuaient les hommes, faisaient prisonnières les enfants et les femmes, brûlaient les maisons, pillaient les biens, puis ils envoya contre eux une seconde fois, ils détruisirent et s'opposèrent à tout ce qu'ils pouvaient. Et ils ont été torturés par leurs ennemis. Et à la base, ce fut la désobéissance avec leur prophète. Qu'est-ce qui a envoyé contre eux ces différents châtiments, parfois par la mort, l'esclavage et la destruction des demeures, d'autres fois par l'iniquité des rois, d'aucuns par la transformation de Yahri en singe et en porc, et bien d'autres encore, car le Seigneur a juré: il enverra contre eux celui qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. En vérité, ton Seigneur est prêt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Dans ce passage, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre les effets des péchés et que les peuples ont subi de lourds châtiments, et cela fut le fruit de leur désobéissance de leur Seigneur et d'avec leurs prophètes et leurs messagers. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا وليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير أو نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض ورأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله في الإسلام أهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا ضاع أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك ترك أمر الله فصاروا إلى ما ترى في ابن القيم رحمه الله تعالى des hadiths et des paroles de plus prédécesseurs qui montrent comment il nous faut tirer des leçons des peuples passés et que la désobéissance a un effet très grave, très néfaste sur la personne dans son bas-monde mais également dans son au-delà. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala cite que lorsque Chypre fut conquise, on sépara ses habitants et les uns pleurèrent les autres. Et lorsque, durant ces conquêtes, ils ont perdu, ils ont pleuré. Et ceux qui ont conquis et eu la suprématie se sont réjouis de cette victoire. Mais Abu Darda, son noble compagnon, lui, s'est assis seul à l'écart et a pleuré. Alors les gens disent, Abu Darda, pourquoi est-ce que tu pleures en ce jour où Allah a honoré l'islam et ses adeptes? Il a répondu à Dubaï, ce qui lui a dit ça, malheur à toi. Comme les gens sont méprisables pour Allah lorsqu'ils négligent son âme. Ô combien les gens sont méprisables auprès d'Allah ou pour Allah lorsqu'ils négligent son ordre. Puis il lui a montré qu'il faut tirer des leçons des générations passées et des effets présents. Il lui dit, alors qu'ils étaient un peuple puissant et dominant, détenant la royauté, qu'ils ont négligé l'ordre d'Allah et sont devenus tels que tu les vois. C'était un peuple qui était fort. Qui était dominant sur les autres. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Allah, regarde le résultat. Ils ont perdu leur dominance, ils ont perdu leur état, ils ont perdu leur royaume, et voici leur état. Donc ça, c'est une grande leçon donnée par Abu Darda, que celui qui est au sommet, si Allah, s'il désobéit à Allah Azza wa Jal, il n'aura plus de place chez Allah, et Allah l'abandonnera. Et Allah Azza wa Jal l'abandonnera. Cela en tire que Sahaba tirait des leçons de ce qui arrivait au peuple. Et Naam au peuple passe. Puis, Waqala Ali ibn Ja'ad, Anbana Shu'ba, An Amr ibn Murra, Qala Sami'tu Aba al-Bakhtari, Yaqoul, Akhbarani, Man Sami'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم أبو البختري رابط أنا يعطني القرآن صلى الله عليه وسلم أخصني qu'il a dit, et les gens ne périront pas jusqu'à ce qu'ils se donnent des excuses. La yahlika al-nas hatta yu'diru min anfusihim. C'est-à-dire que les gens vont commettre des péchés. Et ils ne vont plus préparer leur au-delà. Au point où ils n'auront plus aucune excuse chez Allah Azza wa Jal pour repousser le châtiment. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont causé leur propre perte. De par les péchés commis. Et de par la multitude de ces péchés, ils n'auront plus aucune excuse de repousser de le châtiment. Donc eux-mêmes causent leur perte. Par quelle chose? Par la désobéissance. Par la désobéissance. Et Annie, tu donnes des excuses. Ici, le sens, c'est quoi? J'ai un Allah explique, il dit, ils vont commettre tellement de péchés, et ils vont s'égarer, et ils vont délaisser la préparation de leur au-delà, à un point où ce châtiment sera mérité, et ils n'auront plus aucune excuse. Ils n'auront plus aucune excuse. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت فكيف أصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس يصيبهم أصاب الناس ثم يسيئون إلى مغفرة من الله ورضوان. قلت رحمه الله تعالى قلت أم سلمة rapporte qu'elle a entendu le message de Allah صلى الله عليه وسلم dire lorsque les péchés apparaîtront dans ma communauté, Allah les frappera tous d'un châtiment venant d'eux. Au messager d'Allah, n'y aura-t-il pas parmi eux des gens purs? Salam à Dieu, le Prophète sallam, n'y aura-t-il pas parmi eux des gens purs? Certes, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que leur arrivera-t-il? Dit Moussalama, radiallahu anha, il répondit, ils seront frappés par ce qui frappera les gens. Puis ils iront vers le pardon, la jannah d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque les péchés se propageront et seront commis en public, dans sa communauté, Allah azza wa jalla les touchera d'un châtiment qui sera général. Alors, Umm Salama a dit au messager d'Allah, mais est-ce que parmi eux, il n'y aura pas de gens purs? Le prophète sallam a dit ça. Oui. Que ferons-nous de ces gens-là? Est-ce qu'eux aussi vont être châtiés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils seront touchés par ce qui touchera les soins. Subhanallah. Ce sont des gens purs, des gens de bien. Mais ils sont dans un endroit où il y a le haram. Le haram n'est pas changé. Alors ils seront également touchés. Puis, ils sortiront vers le pardon d'Allah et Ismaël. Ici, une grande leçon, c'est que lorsque les péchés se propagent et qu'ils ne sont plus faits en cachette, mais en public, par exemple auparavant, il y avait la fornication, les gens se cachent. Mais désormais, les gens ne se cachent plus. Les gens s'affichent et ils font des maisons où cela est fait. Et ils font des bâtiments, des maisons, des demeures où cela est commis. Donc ça n'est plus secret ni caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque cela apparaîtra, l'ensemble sera touché par le châtiment. Abdelazar dit un exemple, il dit lorsque le feu s'apprête à dessiner une terre, on ne fait pas de distinction entre les herbes vertes et celles qui sont sèches. Non. Entre ce qu'il y a de l'eau sur la terre et ce qu'il n'y a pas de l'eau. Lorsque le feu passe, il brûle tout et il ne fait pas de distinction. De la même façon, lorsque les péchés sont commis au grand jour et que le châtiment d'Allah s'abat, il touche tout le monde. Il y a forcément des dommages pour l'ensemble. وفي مراسل مراسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله في كنفه مالا يمال قراؤها أمراؤها أمراءها ومالا يزكي صالح سلحاؤها تجارها وما لم يهد خيارها حشرات. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنه ثم سلط عليه دبائرته فصاروهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. هذا الأثر معلق هو المرسل من تسمية الضعيف ذكره المبارك في الزهد من أبي الدنيا في العقوبات. Donc ce texte est مرسل et les مراسل الحسن رحمه الله تعالى sont ضعيفة. في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث خرجه أحمد بن ماجه وغيرهما وضعفه الألباني رحمه الله تعالى في بعض الجانب أي واحد في الجانب. ثوبان رضي الله عنه في الإخوة تسلم في سخط الأم se doit perdre de la subsistance suite à un péché qu'il a commis. Ce texte-là n'est pas authentique, mais son sens est bon. Et le péché a pour conséquence la diminution de la subsistance. Comme ça viendra, Inch'Allah. Dans les livres. Wa hadithi Anas qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lama urija bi مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من أولئك يا جبريل؟ قال: أولئك الذين يأكلون لحوم الناس وعقوق ويقعون في أعراضهم. نص الحديث قبل صلى الله عليه وسلم ونجي lorsqu'il a été élevé au ciel et dans les cieux. Il est passé devant des gens qui avaient des ongles en cuivre, ce qui fait le visage de la poitrine. J'ai demandé qui sont-ils au Jibril. Il me répondit: ce sont ceux qui mangent la chair des gens et attentaient à leur honneur. Parmi les choses qu'a vu le prophète alayhi salam lors de l'ascension, il a vu des gens qui avaient des ongles. Et ils se griffaient eux-mêmes, le visage et le corps. Et lorsque le prophète a questionné sur cela, à la fin, il lui a dit: ce sont ceux qui commettent la médisance. Ce sont ceux qui qui mangent la chair des gens et tombent dans leur honneur, font de la médisance. Parce parmi ces châtiments qu'a vu le prophète alayhi salam, il se grive le visage et le corps, et la cause est quoi? Que dans Dunya, il parlait cela. En prononçant des paroles qui, s'il les avait entendues, ne l'aurait pas agréé. Ça, c'est la même. Pas sur quelqu'un. S'il avait entendu cela, ça lui causerait du tort. Et le repentir de la médisance, le fait de cesser cela, de s'excuser dans l'assise dans laquelle on a parlé, de s'excuser à ces gens-là et de rétablir la vérité. De revenir sur sa parole, de se repentir et de dire le contraire. Quant au fait d'aller voir la personne pour lui dire: j'ai parlé sur toi, je te demande de m'excuser, ça c'est du cas par cas. Les savants disent que si on connaît de cette personne-là la largesse, et le pardon et ainsi de suite, à ce moment, on peut aller la trouver pour lui dire. Mais dans le cas contraire, on dit du bien de cette personne dans l'assise dans laquelle on a dit du mal et on se trouve et on revient dessus. Cela est suffisant. On voit ici la dangerosité des péchés de la langue et ses effets. Et l'honneur du musulman a été banalisé. Et je n'ai pas une sorte d'excuse au serviteur afin qu'il tombe dans cela. Afin qu'il tombe dans cela. Oui, mais il m'a fait, oui, mais il m'a dit, au nom de telle ou telle chose. Il faut retenir cette langue. Enfin, celle-là nous montre que la plupart des péchés sont de la langue, donc la plupart des causes en train d'en faire sont dues à la langue. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jalla dans cette. وفي المسند من حديث انس وفي جامع الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان قوم يختلفون او يختلون الدنيا باليدين او بالدين نعم وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من الليل ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل هذا الحديث بتتمته أخرجه الترمذي وهو ضعيف جدا الله أقول الباد رحمه الله تعالى حديث ثلاثة حديث في خطب بعض الصوام إن شاء الله نجي كسب حديث ثابت un gros qui les gens viendront ils vont voir leur religion pour leur devenir en apparence il les verra dans le bien et le cœur est le cœur de loup cœur mauvais رحمه الله تعالى أثر الإمام الدنيا عن جعفر بن محمد عن أبي عبد الذي قال قال علي رضي الله عنه يأتي على الناس لمن لا يبقى من الإسلام إلا سنة ولم يقل أن يرى السنة ومساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت هذه السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم داود أصيب الله أسمع تبدأ من بطالي وكالي يديك كم رأى طعام من رأي سعب الإسلام كله من رأي سعب الإسلام كله في القرآن في الخيش ولو نسكي سعوم سجور لا رمضي Et dépourvu de guider. Leurs savants sont les pires sous les cieux. C'est le cœur de la vie, vers lequel on viendra. Ensuite, le Père nous dit ذكر من حديث السماك السماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاك Texte suivant nous dit que lorsque la fornication, l'adultère sera apparent, que les intérêts également, dans un endroit, Allah Azza wa Jalla donnera la permission de l'anéantissement de ceux. Dans les maraçis al-Hassan, on trouve Zahara Nas al-Ilm. Il al-Hara Nas al-Ilm, wa dhayya'u al-amala wa tahabu, fi al-sun wa tabarabu bil-hulu wa tafata'u al-arham. لعنهم الله عند ذلك وصلهم أعمال صارا ومراسل ابن الحسن رحمه الله تعالى وقوه et lorsque les gens vont apparaître la science mais elles seront sa mise en pratique et qu'ils s'aimeront avec la langue et se détesteront avec le cœur et qu'ils rompront les langues par envie Allah les maudira et les rendra sourds aveugles. Ici, nous remarquons Allah Ta'ala montre que j'ai fait des péchés et de la désobéissance. Et plus loin, il va citer un ensemble de conséquences. Et ça, celui qui les médite détestera et s'éloignera de la désobéissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Ali, il cite, c'est comme ça viendra, Herman al-Ilm. T'empêche la science. On te prive de science. Parmi les pires effets des péchés, Hirman al-Ilm, tu n'as plus accès à la science. Tu perds la conscience. Et si tu en as, elle n'était plus profitable. Elle n'était plus profitable, je suis les passions. Ensuite, ici, Hirman al-Rizq, on te prive de la subsistance, on diminue ta subsistance. Al-Wahsha, Hani, il se sent seul, il se sent mal dû au péché. Il commet et le lien entre lui et Allah Azza wa Jalla, il le ressent coupé. Il a une amertume, une solitude. Cet auteur-ci, Ta'sir al-Umur al-Alay, quelque chose lui devient difficile. Tout ce qu'il entreprend, ce qu'il entreprend devient dur, la réalisation devient dur. Bulmatu, les ténèbres lui sont brefs, il y a une pénombre qu'il retrouve dans son cœur. Une noirceur et une colombe qui trouve dans son cœur. La faiblesse de cœur et de corps, la personne devient faible. Il manifeste, on l'empêche, ou plutôt, il se voit privé d'adoration. L'adoration lui devient difficile, lourde. Ça lui enlève la baraka et ça raccourcit son âge, son temps. Alors, il a continué à citer le courant. Ça, c'est un des passages les plus importants du livre. C'est qu'une des causes pour délaisser les péchés et s'en éloigner, c'est de connaître les effets des péchés sur la personne. En d'autres termes, si tu délaisses pas les péchés, voici toutes les causes. Voici toutes les conséquences. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala les détails, Shabbazakhudahullah ta'ala les explique. Et celui qui connaît un peu seulement de ses effets se verra dans l'obligation de s'en séparer, de peur de devenir ainsi et d'avoir le châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa al-afwa. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك